Sai spalcare. Carino. Batteur de merde. Ça s'est décalé tout seul. Ça s'est décalé tout seul. Tout ça, c'est les problèmes avec l'ordinateur. Ça s'est décalé. Tu vois, ouais, hop. Ah, ça y est, ça s'est recalé. Merde. Ah, tu vois, c'est bien. Thank you. Ouais,